L'autre jour, malgré maman, pour me parler pour vous, parce que vous trois fréquents. Il même dit déclarer, si tel maladie, il va me marcher. Sans seul bagaille pour me faire, si l'elle tombe troisième, c'est mettre qui croit lit. Le ça l'a respecté, la vie n'a doré, la page nous n'a pied. Yo jour, living parade li di, bonjour chérie. Moi même, tellement saisi, m'oblige pas à parler. Après, vite rencontrer, il tombe et embrasse, moi fais déclaration. Moi si tellement content, mal tombé non piquant, juste la ruelle piquant. Moi si tellement vexé, moi monté matissant, mal et la caille sans son. Tomber fait mauvais sang, tomber craché sang, vine convalescent. Passé, ils ont fibré, mais et puis ils se veulent. Ils comment nous voulons pour brésiller. Et monsieur pas dit que m'a prié. Ils aiment moins connaître ça m'a passé. Sans fibré, mais et puis ils se veulent. Ils comment nous voulons pour brésiller. Bigot pour des voisinages, capette ou la tripotaille, y'a pas côté ça mon appétit. Si vous me remèrez, ma vie chérie, bigot pour des voisinages, capette ou la tripotaille, y'a pas côté ça mon appétit. C'est où m'aimer, ma chérie. Gardez qui j'en ou fait ma prévoque. Et ma chérie, ou qu'on aime bien comme. Tout ça ou voulait, ma passe telle. Et dis-moi, pour me consoler. Gardez qui j'en ou fait ma prévoque. Ma chérie, ou qu'on aime bien comme. Tout ça vous voulez, il m'a passé telle. Et dit mieux, dit mot pour me consoler. Et lui, quand on coupe des voisinages, il m'a mette au tatribotaille. Il m'a goûté ça, mon appétit. Si vous me réveillez, ma vie chérie. Et lui, quand on coupe des voisinages. Capete ou na tripotai, eu acontece a mona vidiu. Se o mremei, babi chegui.

Réveillons mon copain, réveillons, réveillons mon copain. Allez, qu'il est oui, mais là je vais aller. Qui monte ma joie pour consoler. Réveillons mon copain, réveillons, réveillons mon copain. Réveillons mon copain, réveillons, réveillons mon copain. Allez, qu'il est oui, mais là je vais mourir. Qui monte ma joie pour consoler. Réveillons mon copain, réveillons, réveillons mon copain. Réveillons mon copain, réveillons. Il faut courage.